Redline, d'Alexandra Badea. I am here to speak for all generations to come. Réalisation, Baptiste Guiton. I am here to speak on behalf of the starving children. Dixième et dernier épisode. Quelques mois avant une nouvelle conférence sur le climat, une négociatrice et un ministre de l'écologie se lancent dans la course pour sauver le monde. Ou plutôt sauver leur monde. Après plusieurs combats, ils comprennent qu'ils ont perdu la bataille. Mais il leur reste peut-être quelque chose à sauver. Il sort dans la rue et il avance sans préciser une direction. Cette image ancienne revient. Une souris de laboratoire coincée dans un bocal devant un danger imminent en inhibition d'action. La lutte ou la fuite ? Le combat, il l'a perdu avant même de le commencer. Il n'a même pas eu le temps de bouger ses pions sur la table. Il était déjà en échec et mat. Fuir ? Mais fuir où ? Y a-t-il encore une parcelle dans ce monde qui pourrait accueillir sa honte ? Il avance dans les rues de Bonn. Dans les rues de cette capitale abandonnée par le mouvement de l'histoire. Et il se sent à la lisière de l'humanité. Un figurant paumé dans une fresque mal dessinée. En tout cas, personne ne se souviendra de son passage sur Terre. Et déjà, qui serait encore là pour le faire ? On est arrivé à la fin de l'histoire. Dans 200, 300 ans, ce sera vide ici. L'être humain sera un dinosaure perdu dans la nature. Et cette planète fatiguée s'efforcera de s'inventer un nouveau paysage. Il avance dans les rues de Bonn avec ses pensées en vrac. L'heure de la pause est finie, mais il s'en fiche. Il ne retournera plus dans cette salle de congrès. Il s'arrête devant un bouquiniste et il regarde la couverture d'un livre. Fridtjof Capra. Le temps du changement. Ce livre écrit en 83 qui lui a servi comme point de départ à sa thèse. 1983. Et rien n'a bougé. Le paradigme reste le même. Le temps de changement est devenu un slogan politique. C'est tout. Il regarde le livre et se dit qu'il s'est trompé de route. S'il veut changer des choses, il faudra commencer par lui-même. Sortir de ce système compétitif, productif, dominant. Ralentir, descendre. S'arrêter. Et parler aux autres en les regardant droit dans les yeux. Pour changer de paradigme, il faudra déplacer la lecture du monde d'un millimètre. Et ça ne peut plus passer par la manipulation, la domination ou la raison froide, sans savoir vraiment pourquoi et comment. Il tape sur le clavier de son portable. Je quitte le gouvernement. Je voudrais retourner auprès de mes étudiants. C'est son intuition qui lui souffle le texte. Il paye son livre et il continue à s'oublier dans les rues de la capitale, abandonné par le mouvement de l'histoire. Elle franchit la porte du cabinet ministériel un peu gênée. Elle le voit derrière son bureau. Il remplit ses derniers cartons. Elle le regarde. Elle le trouve beau. Il est serein. Son corps respire enfin, libéré de ses peurs. Il la voit et lui sourit légèrement. Et c'est peut-être son premier sourire sincère. Félicitations. Vous savez, je ne voulais pas vraiment ce poste. Non. Félicitations pour votre enfant. Je l'ai appris. Merci. C'est pour quand ? Pour janvier. Vous serez bien enceinte au sommet. Ça va être beau. C'était inattendu. J'ai beaucoup hésité. Et puis, il y a eu Bonn. Et je ne sais pas, je me suis dit que ça avait du sens, soudainement. J'ai écrit au Premier ministre pour lui dire... Je croyais qu'il allait me placer ailleurs. En repos, au placard. Mais il m'a dit que vous étiez démis et que la place était libre, alors il m'a nommée. Je suis vraiment désolée. Mais non. Vous savez, c'est moi qui suis partie. C'est Bonn aussi. Les bonnes résolutions. Mais je comprends, il doit défendre son autorité. Si ça l'aide, tant mieux. Oui, c'est bizarre. Quand je lui ai dit que je serais enceinte de 8 mois au sommet, il m'a répondu « C'est extraordinaire, ça va consolider encore votre position en négociation. » Ça ne m'étonne pas de sa part. C'est dégueulasse, quand j'ai vu les sondages aussi. Sa popularité qui monte à cause de votre démission et de ma nomination. Ah oui, oui, il y a du travail là-dessus, oui. L'opinion publique, c'est nous qui l'avons façonnée de cette manière et on en fait aussi partie. C'est le serpent qui se mord la queue, comme on dit. Mais un jour, ça va changer, peut-être. Je l'espère. Il faudra essayer. Il quitte son bureau sans aucun état d'âme. Elle lui serre la main un peu émue. Il descend dans la rue. Il va marcher à pied jusqu'à chez lui. Le soleil est fort dans cette journée d'automne. Et tant qu'il est encore là, et tant qu'on est encore baigné dans sa lumière chaude, et tant que ses rayons ne brûlent pas nos peaux, il reste encore un peu d'espoir. Il ralentit le pas. Maintenant, il a le temps. Vous venez d'entendre Redline d'Alexandra Badea. 10e et dernier épisode. Avec Jacques Gamblin, le ministre de l'Environnement. Tiphaine Rabault-Fournier, la négociatrice sur le climat. Musique originale, Sébastien Quincé. Bruitage, Sophie Bissens. Prise de son, montage et mixage, Éric Villenfin et Pierrick Charles. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Assistante à la réalisation, Alice Cachaner. Réalisation, Baptiste Guiton.